création de la vie. Si tu existes, je peux concevoir qu'il est loin d'être à vie. Au lieu de croire ou de voir les choses à leurs racines, on devrait s'ouvrir au lieu de faire souffrir une terre qu'on assassine. Si les portes sont closes, c'est parce qu'à la base l'esprit est fermé, formé pour être faible et mal informé. Si on allait plus loin que nos vies misérables, on verrait l'art à l'état naturel, des étoiles aux feuilles d'érable. On apprécierait le son du souffle du vent, la vue des vagues et de ses écumes, et on préfère le confort du divan. On préfère s'adonner à des us et coutumes qui n'ont de sens que ce qu'on leur invente d'histoire et de costumes. De bonnes paroles et d'infortunes, de mauvais rôles qui importunent. Tu veux une bonne pensée, je t'en apporte une. Je crois encore en la paix sur terre, mais au dernier acte. Et l'univers entier est un artefact. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur. La vie est belle. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur. La vie est belle. L'univers nous montre son art, bien qu'on n'en voit qu'une parcelle. On prend le bien et le mal nous harcèle. Nous on se borne à l'horizon, on n'imagine pas d'étendue vaste et on se cantonne de dire et d'oraison. Regardez-vous, toujours le profit, toujours à triompher de peu, alors qu'un simple sourire remplace votre trophée. Regardez-vous, chaque jour on gravit des niveaux comme un jeu, je conçois l'envie de mourir dans les bras de Morphée. On s'attriste, on se renferme comme des autistes, on oublie d'être altruiste et de penser au Christ. Plus on avance, plus le temps s'écoule vite, plus je m'éloigne de la terre, des hommes et moins je gravite. Autour de moi insignifiant, des fois j'aimerais les aider, mais ayant perdu la foi je suis excédé. Je crois encore en la paix sur terre, mais au dernier acte, et l'univers entier est un artefact. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur. La vie est belle. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur. La vie est belle. L'univers nous montre son art, sa création de la vie. Si tu existes, je peux concevoir qu'il est loin d'être à vie. Si tu existes, je voudrais le voir, croire en lui le soir, prier pour les autres, crier son nom et clamer sa gloire. Heureux celui qui croit sans voir, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà la chance de vivre, d'apprécier les arts qui font de la musique à l'écriture, de la littérature aux arts plastiques, ça t'en relittérature. J'apprécie l'art théâtral, le cinéma, la nature, ces paysages magiques, le ciel, ses pâtures. L'art de vivre, d'aimer, d'être empathique, d'être honnête, c'est comme ça que le mal sera détrôné. Mais relis la Genèse au Deutéronome, les évangiles, tu comprendras que l'amour dépend des hommes. Je crois encore en la paix sur terre, mais au dernier acte. Et l'univers entier est un artefact. Est un artefact. Est un artefact. Est un artefact. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur. La vie est belle. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur. La vie est belle. Ouvrez les yeux. Tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur. La vie est belle. Ouvrez les yeux. Tendez l'oreille, sentez les choses qui nous entourent. Donnez un peu d'amour, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Oubliez vos rancœurs, ouvrez vos âmes et clamez tous en cœur.